31. Activation orale, dialogue entre monsieur et madame Bello. Vous allez entendre une conversation entre monsieur et madame Bello. Écoutez attentivement, vous allez apprendre les réponses de madame Bello. Franchement, Mireille, c'est la plus intelligente des trois. Oui, elle a l'esprit vif, elle est très raisonnable, elle est très sociable, un peu moqueuse peut-être. Disons qu'elle est souvent moqueuse. Mais elle n'est pas méchante du tout. Et elle a très bon caractère. Répétez. Franchement, Mireille, c'est la plus intelligente des trois. Oui, elle a l'esprit vif. Elle est très raisonnable. Elle est très sociable. Un peu moqueuse peut-être. Disons qu'elle est souvent moqueuse. Mais elle n'est pas méchante du tout. Et elle a très bon caractère. Répondez. Franchement, Mireille, c'est la plus intelligente des trois. Disons qu'elle est souvent moqueuse.